Lucie, il est arrivé ? Oui. Tu vis avec quelqu'un ? Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir pour officialiser le divorce ? Ah, c'est difficile de me retrouver nez à nez avec celui qui va épouser mon ex. Bonjour. Bonjour. Depuis que je suis née, ça fait 3 fois que mon mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Si je marie, je ne mettrai plus jamais un pied dans cette maison. Ma décision est prise. Non mais vraiment, tu l'as trouvé comment ? Tu sais pourquoi elle est allée trouver ce putain d'enfoiré ? Parce qu'il te ressemble. Tu restes à Paris jusqu'à quand ? J'avance que tout finisse bien. On verra pas que tout est fini. Pourquoi je dois être ici juste au milieu de cette merde ? On doit rentrer à la maison pour l'instant. Tu m'as dit que notre maison c'était là-bas. Pour toujours. Soit tu gardes ça pour toi et tu vis un calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Pourquoi tu me fais ça ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je peux dire à venir ?